L'actualité à Nancy et ailleurs. Du 6 au 17 octobre se déroulera la 34e édition du festival de théâtre burlesque Les Larmes du Rire, c'est à Épinal. Isabelle Sartori, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de ce festival, donc qui en est à sa 34e édition. Pour commencer, qu'est-ce que ça représente ce festival pour Épinal? Alors en fait, c'est un festival qui a lieu en octobre, en ouverture de saison. C'est quand même l'événement pour bien débuter cette nouvelle saison culturelle. Avec un festival qui est très original, qui est devenu incontournable, qui propose des spectacles vraiment dans des formes très diversifiées, et c'est ce qui en fait vraiment toute son originalité. On parle d'humour, certes, mais d'humour burlesque, d'humour décalé, d'humour absurde, avec des formes de spectacles qu'on ne voit pas souvent, mais qui méritent vraiment le déplacement. Alors même si on en est à sa 34e édition, on peut peut-être revenir sur pourquoi cette thématique à Épinal. Mais parce qu'en fait, il n'existait rien de pareil à l'époque. Il semblait judicieux de faire une ouverture sur l'humour de manière différente, hors des sentiers battus, et c'est encore le cas aujourd'hui, toujours et encore plus, puisque la curiosité est de mise et que la recherche est également à l'honneur, puisque on va découvrir vraiment des formes de spectacle qu'on n'avait jamais vues auparavant, avec une opération également centrée sur les neurosciences, qui n'est quand même pas banale quand on parle d'humour. C'est des choses nouvelles qui changent, et c'est l'esprit vraiment des larmes du rire. Ça débute donc le vendredi 6 octobre au Palais des Congrès, avec un cabaret chic et déjanté. Oui, alors c'est la troisième année que l'on propose cette formule grâce à la complicité que je peux avoir avec le directeur artistique qui est Éric Bouvron, qui signe la direction artistique et qui fait le choix des différents numéros qui composent cette soirée d'ouverture, qui est quand même une soirée symbolique qui en dit long sur ce que sera ce festival durant ces 12 jours. On va retrouver dans ce cabaret chic et déjanté 6 artistes différents dans des genres très différents. Nata Galkina, qui est une antipodiste qui est vraiment très très forte dans ce type de jonglage avec les pieds. On va retrouver Philippe Beau, qui est un ombromane exceptionnel qui fait le monde entier avec ses numéros de théâtre d'ombre. On retrouvera également Albert Mellet, que certains d'entre vous connaissent bien, qui est un artiste vraiment qui a énormément de talent. Et puis Eric Toulis et Rémi Toulon. Eric Toulis, qui est un chanteur qui avait été découvert il y a quelques temps avec le groupe Les Escrocs, qui l'a propose son répertoire accompagné de son incomparable pianiste Rémi Toulon. Voilà, donc tous ces numéros vont composer cette soirée pas ordinaire, ce cabaret complètement décalé, mis en scène par Éric Bouvron. Éric Bouvron qui est un grand artiste, qui est metteur en scène, qui est auteur, qui est comédien, qui a d'ailleurs, je le rappelle, obtenu l'année dernière, en 2016, le Molière du théâtre privé, pour la pièce Les Cavaliers. Éric Bouvron, qui signe donc cette direction artistique du vendredi 6 octobre, soirée d'ouverture des Larmes du Rire, et que l'on retrouvera également le lendemain pour son spectacle Bushman, qui est là aussi un petit chef-d'œuvre à ne pas manquer, où il va nous raconter l'histoire de ce peuple d'Amérique du Sud, puisque Éric Bouvron est lui-même originaire d'Afrique du Sud. Donc Les Larmes du Rire 2017, c'est une vingtaine de compagnies invitées, une vingtaine de spectacles du coup aussi. Vous avez évoqué tout à l'heure une part scientifique dans cette édition. Oui, en fait, c'est vraiment très original, du jamais vu, puisqu'il y aura une grande journée consacrée aux neurosciences le lundi 9 octobre, avec des interventions dans les lycées, dans deux lycées d'Épinal, le matin entre 11h et midi, avec l'équipe de la compagnie de la troupe amateur d'Octoneuro qui interviendra le soir sur la scène du festival. Et cette équipe de comédiens amateurs est très originale puisqu'elle est composée d'étudiants en Master 2 et en doctorat en neurosciences, et qui vont interpréter le soir à 20h30 une pièce intitulée « Temps de cerveau disponible », une pièce qui a été présentée à l'occasion de la Semaine du cerveau à Strasbourg, d'ailleurs en avril cette année. Et cette pièce a été écrite par un neuroscientifique, Laurent Nexon, qui sera là également à Épinal. Donc une manière donc de parler des sciences de manière très originale, très drôle bien sûr, parce qu'il s'amuse également sur scène, tout en nous enrichissant dans le domaine scientifique. Donc voilà, c'est très original. Et puis auparavant, avant le spectacle du soir, il y aura une vraie conférence scientifique à 18h30 avec le professeur Jean-Christophe Cassel, qui est un professeur qui a été au CNRS jusqu'en 2002, directeur de recherche également au CNRS de 2002 à 2009. Vous voyez, c'est un ponte en neurosciences et il nous fait vraiment l'amitié et l'honneur de venir nous proposer une conférence scientifique sur le rire en abordant le point de vue sociologique, philosophique et scientifique bien sûr. Et rassurez-vous, ce n'est pas réservé qu'aux scientifiques, c'est ouvert aux néophytes parce que le professeur Jean-Christophe Cassel a vraiment du talent pour mener des conférences. Donc ça ne sera pas du tout soporifique, ça sera vraiment très enrichissant, ça peut vraiment intéresser le plus grand nombre. Et puis c'était intéressant de parler du rire aussi et du bienfait que ça peut apporter sur l'homme pour sa santé mentale et physique. Voilà, d'où l'intérêt de participer le plus possible à ce festival des larmes du rire parce que ça va faire beaucoup de bien. Exactement, donc c'est du 6 au 17 octobre. Quelques infos pratiques maintenant, si on veut retrouver tout le programme complet, une vingtaine de spectacles, je le disais, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Alors, le programme est disponible, alors si vous voulez que je vous l'envoie, il n'y a pas de souci, vous faites un petit mail isabelle.sartori@epinal.fr. Le programme est également disponible sur le site de la ville d'Épinal, www.epinal.fr. Également, possibilité de se renseigner, de réserver par Internet sur le site www.sortirepinal.fr. Donc là, vous avez toutes les infos sur tous les spectacles, plus la possibilité de réserver en ligne. Voilà, le programme qui est également distribué partout, dans les Vosges, en Meurthe-et-Moselle. Et puis, les réservations se prennent quant à elles à l'office de tourisme. Au 03 29 82 53 32. Eh bien, Isabelle Sartori, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et l'intérêt que vous montrez pour ce festival Les Larmes du Rire organisé par la ville d'Épinal. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.